Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire du football à l'occasion du centenaire de la Fédération Française de Foot. Aujourd'hui, l'histoire de l'équipe de France. Demain, nous aborderons l'histoire du football féminin. Mercredi, le phénomène du supporterisme. Jeudi, le documentaire de Claire Destacan et Thomas Duterre nous dressera le portrait de Jules Rimet, créateur de la Coupe du Monde et fondateur du Red Star. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer la naissance de la Fédération Française de Foot en avril 1919 avec un historien qui a soutenu sa thèse en janvier dernier sur la construction d'une élite sportive, les joueurs de l'équipe de France. Nous avons donc le plaisir de recevoir François Darrocha-Carnero, membre de l'atelier Sherpa et vice-président de l'association des professeurs d'histoire-géographie. Yellow Blue, Platini, Yellow Blue, Joël Batz, Yellow Blue, Jean-Pierre Papin, Yellow Blue, Rocheteau, Platini, Joël Batz, Jean-Pierre Papin, Rocheteau, Yabas, Loup Blue. Les musiciens n'ont pas toujours fait que des chefs-d'œuvre quand ils tentent de parler de football. En l'occurrence, ça s'appelle Yayu Blue Janvion. Donc, ça date de 2018, à l'occasion de la dernière Coupe du Monde. Bonjour à vous, François Darrocha-Carnero. Bonjour, Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous. La preuve que l'on peut parler sérieusement de football en histoire, c'est votre thèse que vous avez soutenue le 24 janvier dernier, avec un jury prestigieux, Michael Attali, Ludivine Mantini, Olivier Chauveau, Marion Fontaine, William Nuitens et Didier Rey. Donc, à l'université d'Artois à Arras, une thèse qui tente de faire l'histoire de la construction d'un groupe de joueurs, 800 et quelques joueurs que vous avez analysés donc entre 1904 et 2012, c'est-à-dire ceux qui constituent l'équipe de France de football, parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'aimeraient pas le football, eh bien on peut parler sérieusement de cette histoire du football et en particulier en faire une histoire sociale, une histoire culturelle. C'est ce que vous avez fait avec votre thèse. C'est ce que nous avons tenté de faire avec mes directeurs, de construire justement ce type de lecture d'un football qui est peut-être trop souvent réduit à un commentaire quotidien, un commentaire présentiste. Donc donner une dimension historique et historienne à cette lecture, d'une part, et puis essayer de comprendre également une institution par en bas, pour reprendre une expression qui est assez fréquente chez les historiens désormais, une histoire au ras du sol, donc partir des joueurs et non pas du groupe lui-même. Alors justement, ce groupe, ça vous permet de faire un exercice qui est très prisé à nouveau, qui n'a pas été tout le temps dans l'historiographie, dans l'histoire, c'est-à-dire de la prosopographie, c'est-à-dire comme on a pu étudier les membres d'une centurie romaine ou les membres d'un monastère médiéval, et vous êtes médiéviste de formation, François Darrocha, eh bien vous avez tenté de voir qui participait à une équipe comme l'équipe de France, à quelle période, quelles étaient les extractions sociales de ceux qui y participaient, quelles étaient leurs origines géographiques, et tout cela, ça permet de faire une grosse thèse qui réfléchit justement aux grandes évolutions sur un siècle de cette équipe de France. Oui, l'avantage de la prosopographie est de gommer les figures les plus saillantes, parce qu'on a tendance à réduire l'équipe de France uniquement à ses stars les plus en vue, à ses ballons d'or, à ses attaquants les plus prolifiques. prolifique et oublier ainsi que l'équipe de France est avant tout une dévoreuse d'hommes, une mangeuse de carrière, puisque la moitié des joueurs de l'équipe de France ne compte que 5 sélections au maximum et un quart ne compte même qu'une seule sélection. Oui, c'est ce qui vous permet, dès le début de votre thèse, François Darrocha-Carnero, de poser cette question. Qui se souvient de Zachary Baton, de Gérard Isbeck, d'Hervé Marc, de Roland Schmitt et de Pierre Grillet? Alors, c'est vrai que avant l'invention d'une encyclopédie en ligne qui s'appelle Wikipédia, on aurait eu beaucoup de mal à savoir qui ils étaient, grâce en particulier à Lorraine Bastide, qui travaille donc à la radio, qui est une grande productrice de radio. Bien, on a su qui était Pierre Grillet, puisque c'était la petite nièce de Pierre Grillet, et sur Twitter, elle a pu raconter sa liaison avec son grand-oncle. Mais pour Zachary Baton, on n'a pas grand-chose. Et heureusement, il y a une toute petite notice sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia qui permet d'en savoir un peu plus. Et pourtant, c'est un personnage qui compte dans l'histoire de cette équipe de France. C'est le premier goal ou un des premiers goals. C'est un des tout premiers goals. C'est un grand gardien de l'Olympique Lillois. Donc, un des premiers clubs d'une région chère à mon cœur. Et surtout, c'est un homme qui a un comportement valeureux pendant la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaut une Légion d'honneur. Donc il est relativement facile à tracer, mais c'est vrai que la mémoire sportive ne l'a pas conservé au premier plan. Et c'est d'ailleurs ce que vous tentez de faire, c'est de comprendre pourquoi certains surnagent, pourquoi d'autres ne surnagent pas. Alors, il y a une période importante, c'est l'arrivée des images animées qui va permettre à certains d'entre eux de devenir des vedettes postérieures, c'est-à-dire d'avoir une vie posthume, même puisqu'on pourra les voir jouer tels qu'ils jouaient en 1935, 1937, 1940. Mais ceux d'avant, évidemment, et Zachary Baton en fait partie, eh bien, on ne sait juste que les descriptions qu'on donne les journalistes, qui sont d'ailleurs parfois aussi mêlés à la sélection de l'équipe de France. Oui, il y a une très grande porosité entre le monde des journalistes et le monde des dirigeants et le monde de l'équipe de France. Parfois, ce sont les mêmes personnes que l'on retrouve d'un bord à un autre, aussi bien du côté médiatique que du côté du pouvoir du football ou du côté du terrain. Je pense par exemple à Fernand Canel qui est un des premiers chroniqueurs de l'équipe de France et puis de football en général, qui fait paraître quelques articles dans l'Auto entre autres. Fernand Canel est un des premiers internationaux de l'équipe également. Et donc, justement, il y a cette porosité qui, d'ailleurs, est une sorte de flou, entretient une sorte de flou sur les débuts de cette équipe de France. Puisqu'on dit 1919, le football arrive beaucoup plus tôt en France. Il arrive quoi, dans les années 1890 à peu près? Oui, il s'impose. Il se construit véritablement dans les années 1890. Il y a des prémices qui existent un petit peu avant. Mais on le voit, et c'est ce que défend Julien Sorès comme thèse, on le voit se construire en Paris, en Seine, dans les années 1890, dans la première moitié de ces années-là, puis s'installer ensuite dans le Nord, dans les grandes villes textiles du Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing, à la fin des années 1890, et petit à petit s'installer sur le reste du territoire. Alors, ce qui est particulier, quand on consacre une thèse justement à la naissance de la Fédération Française de Football, à l'équipe de France, telle qu'elle s'est constituée comme élite professionnelle du football au bout d'un certain temps, eh bien, c'est de comprendre comment, dans ce désordre du début, va petit à petit naître à une sorte d'ordre. Le désordre tient aussi au fait que les fédérations ne sont pas siglées, il n'y a pas encore de spécialisation, et que quand on pratique un sport, on en pratique parfois un ou deux autres aussi, François Darrocha-Carnero, entre la fin du 19e et la guerre de 14. Oui, il y a une sorte de monde sportif, de système sportif complexe qui voit le jour à ce moment-là. C'est vrai qu'il est assez rare de ne faire qu'un seul sport. Par exemple, on a Jacques Davy qui joue dans la première équipe de France, qui est également un international de hockey et qui, par ailleurs, renseigne ses camarades dans le trajet qui les conduit à Bruxelles pour ce premier match sur l'ancêtre du basketball, le ripopo, donc un jeu à la mode à l'époque. Les fédérations sont elles-mêmes omnisports pour la quasi-totalité, et en particulier pour la principale d'entre elles, l'USFSA, qui finalement ne donne son intérêt, ne livre son intérêt au football que de façon assez annexe. Ce n'est pas le sport principal. Et la preuve en est, c'est lorsqu'on consulte l'auto, on s'aperçoit que le football est relégué dans les dernières pages. Oui, et on voit bien par exemple elle est très connue désormais, elle a été moins pendant un certain temps, qu'une femme comme Violette Maurice par exemple peut prétendre être à la fois dans les compétitions sportives d'automobile, faire du football ou d'autres sports en même temps, parce que là non plus les fédérations ne sont pas séparées entre hommes et femmes pendant un certain temps, donc on est dans une sorte d'indécision de genre d'un côté, indécision sur le mode des sports que l'on peut pratiquer. On est encore dans une sorte d'anglomanie aussi. Il y a cette dimension très anglomane, c'est-à-dire c'est un sport de gentleman que l'on peut pratiquer entre gentlemen, mais qui ne nécessite pas une spécialisation au tout départ. Alors, c'est une anglomanie, mais qui se traduit de différentes façons. Elle peut se traduire en effet comme étant la diffusion du sport de gentleman, et c'est en particulier vrai dans l'aristocratie textile, du patronat textile du Nord, mais c'est également une anglomanie qui peut revendiquer une popularisation du football, puisque en Angleterre, le football est un sport excessivement populaire dès les années 1870-80 et sorti des collèges à ce moment-là. Donc on peut avoir également ce phénomène qu'on observe très clairement à Paris sur la région parisienne au début du XXe siècle et qui se traduit à partir de 1919 par la mise en place d'une Coupe de France officielle, créé plus ou moins en 1917. Alors, il y a tout de même quelque chose de très important qu'il faut dire à nos auditeurs tout de suite, c'est que le premier match d'une équipe dont on peut considérer que c'est l'équipe de France, c'est 1904, c'est ça ? Alors, on pourrait considérer un premier match bien avant 1904. Dès 1900, finalement, il y a une forme de sélection française qui existe, même si finalement c'est le club français qui dispute sous les couleurs de la France le titre. Le club tournoi, français qui est un club parisien, qui dispute les Jeux Olympiques. Et puis d'autres sélections préexistent, mais la naissance officielle, c'est le 1er mai 1904. Elle concorde avec la naissance de la FIFA, finalement, qui voit le jour dans la foulée de la Fédération Internationale de Football Association. Voilà. Donc, et là, en l'occurrence, les deux équipes qui sont en face, l'une de l'autre, c'est la Belgique et la France. Pour qui c'est le premier match international ? Voilà. Pour les deux équipes nationales, c'est le premier match international. Et les dirigeants de chacune des deux équipes en profitent pour nouer contact et préparer la naissance de la FIFA dans les semaines qui suivent, laquelle FIFA sera la seule habilitée à reconnaître officiellement les compétitions internationales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez très vite dans votre thèse, François d'Arancha-Carnero, que au bout du compte, ces premières années sont des années très européennes, que les équipes nationales de l'Europe rencontrent d'autres équipes nationales de l'Europe, généralement pour l'équipe de France, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, l'Italie et la Grande-Bretagne un peu plus tard. Tout cela, ça fait partie des nations qui ont le plus de contact avec l'équipe de France, mais qu'il n'y a pas encore d'internationalisation du football. Elle ne sera que plus tardive. On découvrira dans les années d'entre-deux-guerres en particulier qu'il existe un football latino-américain, d'Amérique latine, avec la Coupe du Monde qui sera créée en 1930 en Uruguay. Mais entre-temps, on est plutôt entre nations européennes en l'occurrence. Oui, alors il y a internationalisation du football, puisque le football se diffuse en effet par exemple en Amérique latine, mais également dans l'ensemble des colonies africaines ou asiatiques. Mais il n'y a pas d'internationalisation des rencontres internationales, ouais, des compétitions et des rencontres entre équipes nationales. Et c'est vrai que l'équipe de France et les footballeurs français ne découvrent finalement le football sud-américain qu'à l'occasion de tournées d'équipes sud-américaines en 1924-25 et en particulier de la compétition des Jeux Olympiques de Paris en 1924 avec l'Uruguay qui manifeste un football flamboyant à cette occasion. Puis en 1930, lorsque l'équipe de France participe à la première Coupe du Monde qui est organisée par la même Uruguay à l'occasion de son centenaire. Et là, les joueurs découvrent un football qui est passionné, qui est populaire, qui véhicule des foules entières excessivement excitées, au point qu'il faille prévoir la garde montée pour séparer des joueurs pendant un match Argentine-Chili. Bon. C'est quelque chose qui est complètement incompréhensible ou en tout cas exotique pour les joueurs de l'équipe de France de l'époque. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut dire aussi à nos auditeurs, c'est que ce moment est un moment d'indécision, on l'a dit depuis le début avec François Darrocha-Carnero, y compris pour les instances qui gouvernent le football français. Nous sommes donc 1904, on voit très bien quelle date est toute proche, celle de 1905, les lois sur la laïcité, et évidemment, il va y avoir des tensions très fortes qui vont s'exprimer dans le domaine du football entre des laïcs militants et de l'autre côté des membres des équipes de patronage qui sont parrainés par des abbés, et il va y avoir tension jusque à la fin de la Première Guerre mondiale, très très nette, entre ces deux tendances, plutôt laïques d'un côté, plutôt religieuses et chrétiennes et catholiques de l'autre. Oui, ce qui fait que finalement, pour l'équipe de France, ça se traduit par trois équipes de France successives, trois périodes très marquées, 1904-1908, l'équipe de France est sous gouverne de l'USFSA, donc qui plutôt laïque, est très laïque, en tout cas dont le président de la commission football, André Billy, est très laïque, et cherche à avoir les soutiens du gouvernement en se montrant plus laïcard que le gouvernement lui-même, finalement. André Billy va aussi se faire remarquer par la défense des intérêts de l'amateurisme anglais, de la fédération amateur anglais au sein de la FIFA, ce qui vaut à l'USFSA d'être écarté, finalement, de la FIFA. Et l'équipe de France passe alors entre les mains d'une alliance entre fédérations, dont l'une des principales est la Fédération des patronages. Donc de 1909 à 1910-1913, on a cette alliance-là. Et puis à partir de 1910... Donc plutôt catholique. Plutôt catholique. Mais pas seulement, il y a aussi une part laïque, les clubs de Vitry par exemple. Et puis à partir de 1910, les clubs parisiens qui faisait partie de l'USFSA commence à largement regretter qu'il n'y ait plus de compétition et de rencontres avec d'autres clubs internationaux, d'autres clubs par exemple anglais ou des clubs de second ordre, et font pression en se retirant de l'USFSA et en rejoignant l'équipe des patronages, dites des patronages, mais où les patronages finalement deviennent minoritaires. Absolument. Voilà. Et à partir de 1913, là, il y a quasiment une union générale qui naît et qui verra le jour véritablement. Après la guerre. Après la guerre. Oui, parce qu'évidemment, la guerre va bouleverser considérablement ce milieu du football comme tous les milieux. Donc, pendant les quatre années qu'elle dure, et en particulier va décimer les équipes de France qui étaient avant la guerre importantes. Et donc on va recréer quelque chose, et c'est pour ça que cette date de 1919 est célébrée comme telle, pour la création de la Fédération Française de Football. On peut dire qu'auparavant, c'est une sorte de préhistoire de cette fédération, et que là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, François Darrocha-Carnero ? Alors, faut-il reconstruire ou faut-il reconstituer ? Ouais. C'est la question qui se pose à l'ensemble de la société française. Pour le football, il faut en effet reconstruire, construire quelque chose de nouveau. On ne peut pas reconstituer à l'identique, parce qu'un certain nombre de joueurs sont morts, parce que les débats entre fédérations ne sont plus de mise, parce qu'un nouveau monde, finalement, a vu le jour. Donc parce que Zachary Baton, gardien de l'équipe de France, blessé pendant la Première Guerre mondiale, va mourir de les suites de ses blessures tout de suite après. Et parce qu'il est amputé du bras gauche, donc ça sera dur de garder les buts après cela. Donc il est nécessaire de reconstruire quelque chose, et cette reconstruction, c'est la Fédération Française de Football, qui voit le jour en même temps que d'autres fédérations sportives voient le jour. L'heure n'est plus à l'omnisport, mais à la spécialisation des sports. Et donc on va se séparer de ces grandes unions dans lesquelles on peut être athlète, on peut être footballeur, rugbyman, pourquoi pas. Enfin, on pouvait pratiquer plusieurs choses à l'intérieur de ces grandes unions pour pouvoir se spécialiser et devenir donc footballeur. Le professionnalisme arrive assez rapidement aussi dans les années 30, 1932, c'est cela ? Officiellement, le championnat de France professionnel voit le jour en 1932. Officiellement, mais il y a un certain nombre de joueurs qui, dès la veille de la guerre, gagnent déjà leur vie en évoluant dans des équipes... La Première Guerre mondiale, vous voulez dire. La Première Guerre mondiale. C'est ce que vous appelez l'amateurisme marron. Voilà, ce qu'on appelle, le terme n'est pas de moi, il est d'époque, c'est en effet l'amateurisme marron, et l'un des parangons de cet amateurisme marron, c'est probablement le gardien de but du Red Star, donc il en sera question dans quelques jours lors du documentaire, probablement. Le gardien de but, Pierre Cheriguès, qui est l'une des premières stars médiatiques du football français. Et Pierre Cheriguès, une fois sa carrière achevée, avoue qu'il a clairement vécu de son jeu, de son sport. Maintenant, officiellement, ça n'arrive qu'en 1932, après de longues années de débats, de longues années de polémiques. Polémiques qui voient le décès d'un ancien de l'USFSA, Franz Reichel, qui, à force de se lancer dans ces débats, finalement, ça a raison de sa santé. Il meurt d'une crise cardiaque dans les locaux de l'auto. Donc, ce professionnalisme change véritablement la face du football français. Oui, oui, il faut dire tout de même que la façon dont est gérée cette équipe s'improvise au fur et à mesure du temps, que l'on privilégie dans un premier temps les anciens joueurs internationaux pour pouvoir devenir les patrons de la fédération, les sélectionneurs. Enfin, en gros, qu'il y a une sorte de carrière qui est presque assurée pour certains d'entre eux, pas tous évidemment, parce que beaucoup tombent dans l'oubli, en continuant une fois qu'ils ont arrêté de jouer, leur fonction d'encadrement, pourrait-on dire, dans cette fédération naissante. Et ça, c'est la grande particularité de ces années 20 et 30 que vous décrivez, François Darrocha-Carnero. Oui, alors c'est surtout vrai pour l'encadrement technique, oui. Donc les entraîneurs, ou plutôt les sélectionneurs, où là, on va retrouver en effet d'anciens internationaux, beaucoup plus que dans les bureaux de la fédération, qui, eux, sont réservés à d'anciens dirigeants qui ont pu être d'anciens joueurs, qui ont pu être des joueurs, mais finalement de petits niveaux. Oui, donc effectivement, on commence à structurer une grande structure qui va être le football français, avec ses modes de sélection, ses modes de montée en puissance des équipes nationales successives, jusqu'à ce que l'on a connu plus récemment. On écoute la marche du football d'Henri Jossy. Et qu'on y soit plus fort. Les gars pleins de vaillance sacrifient tout au sport. Chaque jeu régénère, donne santé, vigueur. Oui, mais chacun préfère dans le fond de son cœur. Le plus beau sport du monde, c'est celui où l'on court en plein vent. Après la balle ronde, le football, le football, le football. Du nord à la Gironde, de Marseille jusqu'à l'Orient, on acclame à la ronde le football, le football, le football. De village à village, de nation à nation, lorsque le jeu s'engage, on est tout à l'action. Épaule contre épaule, on lutte avec ardeur, en un vivant symbole qui rapproche les cœurs. Le plus beau sport du monde, c'est celui où l'on court en plein vent. Après la balle ronde, le football, le football, le football. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le bon jeu, la France est debout, votre passion toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec vous. Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Deux façons de célébrer, donc le football ou l'équipe de France, celle d'Henri Jossy dans les années 1940 et celle de Johnny Hallyday dans les années 2000. Avec vous, donc François Darrocha-Carnero, on évoque l'histoire de cette grande équipe de France telle qu'elle a été constituée en prosopographie, c'est-à-dire vous avez fait un travail d'étude sur les masses de 800 et quelques joueurs qui ont participé à cette équipe de France depuis qu'elle a été créée en 1904 et c'est la construction d'une élite sportive. C'est votre thèse que l'on pourra lire d'ici quelques temps en librairie, d'ici un an peut-être ou deux, le temps qu'elle soit éditée. Plutôt 2 ans. Plutôt 2 ans, donc vous l'avez soutenue en janvier dernier. Ce qui est fort intéressant quand on vous lit, c'est de s'apercevoir que ce flou dont on parlait d'avant la Première Guerre mondiale persiste quand même encore un peu dans l'entre-deux-guerres. On ne sait pas très bien si on doit être amateur ou si on doit être professionnel. On ne sait pas très bien non plus si on doit défendre son club plutôt que défendre l'équipe de France. On ne sait pas. Beaucoup de choses sont à fixer d'une certaine façon dans cet entre-deux-guerres. Oui, les hésitations persistent largement pendant l'entre-deux-guerres, peut-être même parfois après. Il faut attendre finalement les années 70 pour que se mette véritablement un métier en place. 1932 n'est qu'un changement de statut. Donc c'est officiel. Le professionnalisme. C'est le professionnalisme. L'adoption du professionnalisme n'est qu'un changement de statut qui règle des choses sur un point de vue juridique avant tout. Et il y a aussi une dimension intéressante, c'est que d'autres sports collectifs arrivent sur le territoire et se développent en même temps. Le rugby, par exemple, qui se pose aussi les mêmes questions. Le jeu à 13, le rugby à 13 à l'époque, est professionnel, alors que le rugby à 15 ne l'est pas, ce qui va d'ailleurs valoir pendant la Seconde Guerre mondiale un jugement drastique de la part des instances de Vichy qui va supprimer la fédération de rugby à 13 au nom de son professionnalisme. C'est quelque chose qu'on peut connaître aussi dans le domaine du football à ce moment-là. Oui, tout à fait. Vichy n'aura de cesse d'ailleurs, à la suite du Front populaire, que de condamner le professionnalisme, et Vichy tentera de le réformer. Le Front populaire laissant la chose professionnelle se faire, mais souhaitant une pratique de masse. Alors, on n'a pas beaucoup d'images de ces années 20 et 30, en particulier d'images en mouvement, qui permettent de savoir quel est le type de jeu. On sait les résultats, on sait que avant la guerre, quand l'équipe de France jouait, elle pouvait perdre 15-0 contre l'Angleterre, ou elle pouvait perdre 12-0, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un type de jeu que nous ne connaissons plus d'une certaine façon. C'est plutôt du 2-1, du 4-1 au maximum, parfois du 5-1 pour votre chère équipe du LOSC, de Lille en l'occurrence, François Darrocha. Mais souvent, effectivement, ces grands écarts de but, ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il y a un autre type de jeu que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un autre type de jeu qui est lié entre autres au fait que les défenses soient plus solides. Aujourd'hui, on part quand même d'un schéma de jeu au début du XXe siècle, fondé sur le 2-3-5, c'est-à-dire 2 défenseurs, 3 milieux de terrain et 5 attaquants. Évidemment, lorsqu'on est 2 hommes pour arrêter l'attaque de 5 adversaires, on risque, si on n'est pas techniquement solide, on risque d'être vite une passoire, ce que l'équipe de France a été contre le Danemark avec une défaite par le score de 17-1 en 1908. Oui. Donc c'est le record. Pendant l'entre-deux-guerres, on adopte petit à petit, et Olivier Chauveau l'a montré dans un article il y a quelques années, un autre schéma de jeu, c'est le WM qui va s'imposer dans les années 30, un WM popularisé par l'équipe autrichienne. Expliquez pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que le WM. En gros, un WM, c'est un jeu qui permet de croiser les lignes, et donc de renforcer la défense en mettant un policeman au milieu du terrain qui sert vraiment de sentinelle à l'ensemble de la défense. Et ce rôle de policeman devient finalement un des rôles les plus importants dans l'équipe. Ce qui permet de déboucher sur un autre débat qui aura lieu à la fin des années 30 autour de la naturalisation de certains joueurs pour remplir ce rôle qui est délaissé par la fin de carrière active d'un ancien joueur amateur, d'un joueur qui est resté amateur mais qui est ancien, à savoir Georges Verriest. Et donc ça veut dire qu'il y aura des débats stratégiques, pourrait-on dire. On est quand même dans un domaine où la stratégie compte aussi, le terrain de football, des débats stratégiques sur les manières de jeu. Et c'est là aussi qu'on va commencer à déterminer des styles de jeu nationaux. Par exemple, François Darrocha-Carnero, on va dire telle équipe, la Suisse par exemple, joue comme cela, les Italiens, je ne sais pas si c'est encore le béton italien ou déjà le béton italien, mais enfin en tout cas c'est, après la guerre c'est ce qu'on dira de lui. Comment on qualifie un style de jeu selon les nations, en l'occurrence? Alors, il y a une sorte d'essentialisme du style de jeu qui voit le jour à ce moment-là, et en particulier sous la plume de Gabriel Annaud, qui est un personnage fondamental dans l'histoire du football français et européen. Il était qualifié, lui, de Berlinois. Il était qualifié par les Berlinois de franc-tireur. Voilà. Ce qui veut dire que quand des Allemands qualifient dans les années 20 ou dans les années 10 un joueur de franc-tireur, c'est qu'ils ont en tête les francs-tireurs de la guerre de 1870. Oui, Gabriel Hanau est alors étudiant à Berlin. Il joue dans une équipe berlinoise. Et en effet, ils ont en tête, les supporters ont en tête les images ou les récits de la guerre de 70 pour attribuer ce surnom à Gabriel Hanau, qui est un des défenseurs et qui apparaît comme celui qui ne cédera pas. Mais c'est vrai que les styles de jeu sont très vite identifiés à des nations, et vous parliez du béton italien. Bien avant le béton italien, c'est le verrou suisse qui s'impose, qui va servir ensuite de modèle d'ailleurs au béton italien. Et copié par d'autres équipes nationales. Là, j'imagine qu'on est en train de discuter entre nous, on voit ce que c'est que le béton italien et ce que c'est que le verrou suisse, mais un auditeur ou une auditrice ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'une défense un peu intraitable, pour être voilà. Dur sur l'homme. Intraitable, avec une double lame. À la fois les défenseurs, mais également un défenseur entre la ligne de défense et le gardien, ou situé en sentinelle entre la ligne de défense et de milieu. Bref, c'est un schéma tactique qui est excessivement défensif, qui est fondé sur la défense, dont le but n'est pas de marquer, mais de marquer un but de plus que ceux encaissés, et à savoir, on en encaisse le moins. Et aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a donc des stratèges, des penseurs, des acteurs que l'on va aller chercher parfois à l'étranger et naturaliser pour pouvoir mettre en œuvre le style de jeu que l'on veut mettre en œuvre. Donc, il y a véritablement une stratégie internationale des joueurs qui se met en place dans ces années d'entre-deux-guerres. Oui, tout à fait. Et en particulier, une stratégie internationale des entraîneurs. Et cela, ça compte beaucoup pour déterminer quel est le type d'équipe que l'on va rencontrer, pour savoir quelle stratégie on va mettre en œuvre aussi pour défendre vis-à-vis de sa propre de l'équipe d'en face, etc. Ça peut jouer. Disons que dans les années 30, le jeu est encore assez figé. On se fixe sur un style de jeu et on en varie guère d'une saison à une autre éventuellement. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale où là on voit clairement des styles de jeu se confronter, s'affronter, des polémiques naître autour de ces questions tactiques. Et d'ailleurs, c'est ce que racontait Raymond Coppa après la guerre justement à Max Favalelli sur son style de jeu. Il est un rêve pour tous les sportifs, ce serait d'être un jour sur le terrain le partenaire de ce magicien de la balle, qui est Raymond Coppa. Eh bien, moi, ce rêve, je le réalise. Coppa, si vous le voulez bien, nous allons exécuter ensemble quelques passes. Vous y êtes ? Bon. Possédez-vous un secret ? Comme pour tous les footballeurs, la culture physique est indispensable aux joueurs de football. Dans cette culture physique, nous faisons un entraînement intense, même violent. Il consiste d'ailleurs à faire des courses assez longues et soutenues. Et nous travaillons surtout le démarrage. Vous avez un bon et un mauvais pied ? Je shoot en principe, je joue des deux pieds, mais enfin j'ai une préférence pour le pied droit. Quelle est la caractéristique dominante de votre jeu ? Eh bien je suis, comme tout le monde doit le savoir, un joueur qui crée avant tout des occasions, mais qui ne marque pas beaucoup de buts. Et il est assez curieux de voir qu'en équipe de France, il m'arrive bien souvent d'en marquer. Il y a bien un but qui vous a laissé un souvenir particulier. Le meilleur but, à mon avis, que j'ai marqué, ça a été contre le dernier France-Russie, où j'ai eu l'occasion de dribbler trois joueurs successivement et de marquer le but dans le coin opposé du goal. But ! Bravo, Coppa ! Voilà donc Max Favalelli interrogeant Raymond Coppa dans les années 1950. Il y a un grand changement, dites-vous, dans le recrutement de cette équipe de France, dans votre thèse, donc François Darrocha-Carnero, qui s'intitule « Les joueurs de l'équipe de France de football, construction d'une élite sportive » que vous avez soutenue il y a deux ou trois mois de cela, en janvier dernier. Il y a un grand changement avec la guerre, c'est le changement des recrutements, pourrait-on dire. C'est-à-dire que ce recrutement qui est classe moyenne, un peu élitiste, du tout début du football en France va changer avec la guerre. Oui, la popularisation est désormais assumée avec le professionnalisme, puisque le professionnalisme fait naître un corps de footballeurs beaucoup plus performants. Mais ce professionnalisme est quasiment réservé à des classes populaires ou des classes moyennes inférieures, disons, parce que lorsque l'on est de classe aisée, on n'a pas besoin d'être professionnel. Et donc, ça veut dire qu'on va voir changer les recrutements des clubs, changer les recrutements de l'équipe de France, et que progressivement, le football va devenir plus populaire, plus ouvrier, y compris dans son recrutement pour les joueurs. Oui, oui, oui. Et désormais, de plus en plus fondé sur l'excellence. Alors, cette excellence, elle est représentée par Reims, donc le stade de Reims dans les années 1950, les années d'après-guerre. On a entendu Raymond Coppa, qui en était une des grandes figures à ce moment-là. Et on parle à cette époque-là, alors évidemment, il y a beaucoup de délucubrations par les journalistes du football champagne, parce que comme on est à Reims, on va se dire, on va faire du football champagne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le football champagne? C'est un football qui est financé déjà par des maisons de champagne. Bon, déjà, ça, c'est... ça, c'est aussi le nom du sponsor principal. Et c'est un football pétillant, chatoyant, agréable à regarder, fondé sur l'attaque, sur des qualités techniques qui propose finalement une forme de chorégraphie sur le terrain, et donc beaucoup moins tactique, beaucoup moins figé que ne pouvait l'être le jeu proposé jusqu'alors, et en particulier par Gabriel Hanau, qui était à la tête des commissions d'entraîneurs, des formations d'entraîneurs jusqu'alors. Ouais, dites donc, c'est vrai qu'il a une belle vie, lui, Gabriel Hanau, puisque il commence, il joue dans les années 1910, du temps où il était étudiant à Berlin, dans des stades berlinois, et il est encore un des grands responsables de la sélection, de la stratégie dans les années d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, et même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est quasiment sélectionneur. Il est conseiller technique auprès du sélectionneur Gaston Barreau. Barreau, finalement, est un homme de paille. C'est vraiment Gabriel Hanau qui a le pouvoir. Mais en même temps, il est journaliste. Il est journaliste. Oui, il y a un petit mélange à l'équipe, il y a un mélange des genres qui se traduit en 1949 par un article de Gabriel Hanau appelant à la démission du conseiller technique Gabriel Hanau. Ça, c'est assez original tout de même. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi que de se bagarrer sur ces styles de jeu? Est-ce que cela correspond à des moments de l'histoire du pays, par exemple? Est-ce que parce qu'on a subi deux ou trois revers, et tout compte fait, l'équipe de France ne joue pas si souvent que cela, dites-vous, puisque vous avez calculé que, je crois qu'elle, en moyenne, elle joue sept matchs par an, quelque chose comme ça, hors les grandes compétitions, etc. Ça n'est pas tellement. Et donc, si on prend deux ou trois défaite dans la vue à un moment donné, eh bien, d'un seul coup, on va commencer à mettre en cause le style de jeu, la façon dont on a sélectionné les joueurs, etc. Une seule défaite peut parfois suffire, de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que là, on est au croisement de différentes données, de différents contextes. Il y a le contexte du pays, un pays qui a subi la bataille de France en 1940, un pays qui est en train de perdre son empire, de se rétrécir, et donc il y a quelque chose qui se joue aussi dans la mentalité collective, et qui se traduit dans le monde du football. Mais il y a également quelque chose de plus propre au football avec l'apparition de générations successives. Gabriel Hanau est un footballeur d'avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Arrive très vite une star des années 20, Paul Nicolas, dans les sphères de la fédération. Et les grandes polémiques autour des styles de jeu dans les années 50 tournent autour de ces oppositions entre ces deux hommes. De ces deux hommes forts du football français. Et donc, on va régler, mais avec beaucoup de difficultés, régler comme on règle d'ailleurs une machine. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment l'impression, en vous lisant, que c'est petit à petit qu'on va nommer des nouveaux sélectionneurs, de nouveaux entraîneurs. On va aller chercher dans les années 60, Juste Fontaine, qui a dû interrompre sa carrière, qui était pourtant remarquable, avec justement cette équipe de Reims et cette équipe de France, parce qu'il a été blessé. On va aller le chercher pour pouvoir mettre en place un autre style de jeu. Mais tout cela, c'est un réglage fin qui met beaucoup d'années et qui déçoit beaucoup les supporters, qui déçoit beaucoup les gens qui suivent l'équipe de France, François Darrochat. Alors, Juste Fontaine, on va le chercher, mais on lui laisse pas les clés. Au contraire, on le laisse faire deux matchs comme sélectionneur et on le renvoie au bout de deux matchs. Mais oui, il y a un tâtonnement permanent dans les années 60 qui est lié au manque de qualité du jeu proposé, au manque de résultats, même si parfois la presse se dépêche d'être sévère envers l'équipe de France en question. Mais le point fort, la chance que représente ce manque de prestige, c'est finalement une réflexion de fond sur la formation et qui aboutit à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 par des centres de formation et en particulier l'INF qui voit le jour au début des années 70, et par la véritable constitution d'un métier du footballeur avec la charte du footballeur professionnel en 1973. Et véritablement, là, on a un nouveau monde du football, pour reprendre une expression de Chaban-Delmas, ce serait une nouvelle société appliquée au football. Alors c'est vrai, mais il faut dire que c'est un beau ratage pour quelqu'un qui aime le prestige de la France dans les années 60, c'est-à-dire que le temps de former des joueurs et de changer de stratégie, De Gaulle est déjà parti du pouvoir. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui aimerait bien, en plus du Concorde, en plus d'Orly et en plus de la maison de la radio dans laquelle nous sommes, offrir au monde des belles constructions française et en particulier une belle équipe de France. Ça n'a pas tellement marché pendant le temps où il sera au pouvoir. Il n'est pas certain que le général de Gaulle ait porté une très grande attention sur le football français. L'équipe de France de football apparaît presque comme anecdotique dans le paysage sportif des années 60. C'est finalement une lutte permanente pour la Fédération française de football que d'essayer de faire propagande de son sport face à la montée en puissance du rugby à ce moment-là, et y compris en essayant d'imposer à l'ORTF la transmission de matchs de football en entier et non pas un quart d'heure par-ci ou un quart d'heure par-là. Quand on voit combien coûte la retransmission d'un match de football aujourd'hui, on a compris qu'on a changé d'époque en tous les cas. On a changé d'époque. Alors, il y a tout de même quelque chose de très fort, c'est que vous l'avez dit, on va former pour réformer ou réformer pour former, dans les deux sens, en l'occurrence François Darrochat Carnero, c'est ce que vous expliquez dans votre thèse sur l'équipe de France de football. C'est-à-dire que, évidemment, on va avoir des nouvelles structures, on va avoir des nouvelles façons de faire, on va aller chercher des joueurs très jeunes pour pouvoir les former en prévision de cette équipe de France. C'est le groupe de Georges Boulogne qui aura beaucoup de succès avec les Platini plus tard. Mais il faut attendre au moins une dizaine d'années entre le moment où on commence à repérer un jeune joueur et le moment où il donne son plein. Lorsqu'on sème un arbre, il faut attendre quelques années avant d'en avoir les fruits. Et donc, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe avec l'arrivée aussi de ce joueur clé, cadre, qu'est Michel Platini à partir de 1976 en équipe de France, lequel est aussi le fruit quand même d'un circuit de formation. C'est le fils d'un formateur lorrain, Aldo Platini. Et donc, ça compte aussi que d'avoir des structures qui descendent très bas dans la société française et qui font remonter très haut les meilleurs des joueurs que l'on peut repérer dans les petits clubs. Cela permet d'avoir un recrutement moins empirique. Ça donne ça aussi l'équipe de France, malheureusement. Ouais. Donc c'est Denis Fabre en 1982, Olé la France, effectivement. Voilà donc avec vous, François Darrochat-Carnero, on est à l'orée de la grande époque de l'équipe de France, pourrait-on dire, celle de Platini, de la déception évidemment de Séville, mais on est dans ce moment où d'un seul coup, l'équipe de France intéresse, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, tout à fait, l'équipe de France gagne en prestige, et en même temps qu'elle gagne en prestige, elle gagne en popularité, et ce foot populaire, ce sport populaire devient aussi une vitrine possible, y compris une vitrine politique, éventuellement, qui peut intéresser en tout cas les politiques. Et cela, on le discerne à ce moment-là, on le discerne évidemment au moment de la question de Séville, Schumacher, Battiston, donc un gardien de l'équipe d'Allemagne qui est un peu sévère, c'est moins qu'on puisse dire, pour Batiston, et qui va donc sortir du terrain très chaos et très blessé, en l'occurrence. Et évidemment, on sait même qu'à ce moment-là, eh bien, il y a un coup de fil entre les deux présidents, enfin le chancelier allemand Helmut Kohl et le président français François Mitterrand. C'est presque une guerre diplomatique qui se déroule à ce moment-là, même si ça va être une guerre à fleur et mouche. Tout alors, même. Les deux dirigeants politiques cherchent quand même à apaiser la chose. Bien sûr, alors que les supporters sont très très remontés. Alors que les supporters sont très remontés, mais la colère des supporters et de la presse est quand même le fruit d'une construction. Elle n'est pas immédiate. Lorsqu'on lit la presse, par exemple l'Équipe du lendemain, ce qui l'emporte, c'est la qualité du match. La une, si mes souvenirs sont bons, c'est formidable. Comme quoi l'Équipe est parfois capable de faire de bonnes unes. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Formidable. Et finalement, on a juste un fait de jeu avec Batiston qui se fait agresser par Schumacher. C'est un fait de jeu important, mais ce n'est qu'un fait de jeu. Il n'y a pas que cela dans ce match. Et petit à petit, dans les jours qui suivent, c'est cet aspect-là, ce fait de jeu-là qui l'emporte. Au point qu'on ne se souvient que de cela, de ce match. Au point qu'on ne se souvient quasiment que de cela. Alors, il y a d'autres phénomènes que les amateurs de football retiennent aussi de ce match. Hein. Mais c'est vrai que c'est un des points saillants de la mémoire de Séville. Alors, c'est d'ailleurs le point intéressant que vous mettez en avant à la toute fin de votre thèse, François Darrocha Carnero, et qui sera peut-être le sujet d'un futur travail universitaire que vous allez poursuivre, on l'espère pour vous, c'est de réfléchir à ce qu'est ce match, ce qu'est le match en histoire, en historien. Qu'est-ce qu'un match, qu'est-ce que le temps du match, et comment on peut réfléchir à un temps du match avec les outils de l'historien. Oui, on a beaucoup de mal, nous, historiens du sport, à se saisir de ce temps très particulier. Les journalistes ont très bien saisi le temps du match. L'historiciser est beaucoup plus difficile. Moi, je fonde ma lecture sur l'idée que, finalement, on doit sortir d'une interprétation événementielle, non plus voir le match comme un événement, mais comme un document, comme une source d'une époque qui dit une époque, et qui dit une époque du football en particulier. Et comment on fait alors pour faire ça, justement? On prend des exemples de très grands matchs dont on a une documentation, sur lesquels on a une documentation suffisante, et on y réfléchit, justement, pour mettre en adéquation le match tel qu'il s'est déroulé avec la société dans son entier qui l'entoure? Je crois que le piège est justement de se concentrer que sur les très grands matchs. Et il faut peut-être prendre davantage les matchs ordinaires, les temps ordinaires, des matchs amicaux, des matchs sans grands enjeux, pour essayer d'en saisir la substance, de saisir la composition de l'équipe, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a comme formation, ce qu'il y a comme sociologie derrière cette équipe, comprendre également les enjeux internes qui ne sont pas ceux de la compétition, mais davantage ceux du vestiaire, ceux de la communication, ceux de la vie en commun. Et donc aussi de l'ensemble de ce qui se dit autour, de la façon dont on en parle, parce que un match, ça n'est pas qu'un match. Il y a ce qu'on en dit dans les tribunes, il y a ce qu'on en dit à l'extérieur et ce qu'on en dit postérieurement au match. C'est aussi une des difficultés, cette multiplication de regards sur le match. Le match se regarde, il s'interprète, il se lit, il se lit d'abord, puisque nous n'avons pas d'image pour le début du XXe siècle. Il se regarde en image animée, il s'écoute, mais finalement aussi il se vit. Et là, on a peut-être aussi une piste à investir, nous historiens, à savoir que nous devons aussi accepter une part de nos émotions, celle du supporterisme parfois, accepter une part de nos émotions qui elles-mêmes peuvent être porteuses des questionnements qui vont nous permettre de comprendre le temps du match. Ah, ça c'est intéressant parce que vous savez qu'il vient de sortir un livre tout récent sur une histoire émotionnelle des savoirs qui plaide pour cette idée-là, c'est-à-dire que le savant n'est pas coupé de ses propres émotions et lorsqu'il travaille sur un document, et on le sait pour travailler sur des archives par exemple, eh bien il y a un lien émotionnel au document. forcément l'odeur du document, sa façon de se comporter face à vous, d'une certaine façon, la façon dont vous le voyez, le sentez, le touchez, tout cela participe aussi d'une vision émotionnelle du savoir et ça fait partie de votre propre travail, François d'Arrache-Carnero. Tout à fait, je ne nie pas le fait d'être un supporter, je ne nie pas le fait d'aimer le football, d'aimer le regarder et le fait également qu'un certain nombre de pistes de mon travail soient directement issues de ces réflexions, de ces émotions, de cette émotion du petit garçon que j'ai pu être devant Séville en 82. Ouais, et donc lorsque vous réfléchissez à la longue histoire de cette équipe de France, comme vous le faites dans votre thèse en l'occurrence, sur ce recrutement, ces formations, cette façon de se comporter sur le terrain, on en est où aujourd'hui de cette longue histoire? Vous arrêtez en 2012 en vous intéressant évidemment à un moment un peu tendu donc à Krishna et la suite d'une certaine façon, ce que vous appelez le football, l'équipe de France des sales gosses. Mm-hmm. Où on en est aujourd'hui de cette longue évolution que vous avez retracée depuis le début du XXe siècle? Alors les sales gosses, c'est l'image qu'on leur attribue. Bien sûr, c'est on a pas du tout comment je les considère. Oui, oui. Où on en est? On en est dans le fait que l'équipe de France est très loin du présentisme dans laquelle on l'enferme très souvent. Il n'y a pas de génération spontanée en équipe de France comme ailleurs. L'équipe de France que l'on a vue remporter une deuxième étoile très récemment, cette équipe-là, elle est le fruit d'une histoire longue, d'une histoire séculaire et finalement aussi d'une histoire demi-séculaire de ces années, enfin de ce football né dans les années 70 avec une professionnalisation accrue. Didier Deschamps est directement issu de ces centres de formation. Il n'est pas l'homme venu de nulle part. Il est issu aussi de cet arrêt Bosman qui a permis l'ouverture des joueurs, enfin du marché des joueurs à l'échelle européenne. Lui-même a goûté au jeu italien. Et finalement, ce qu'on reproche parfois à l'équipe de France de 2018, c'est d'être trop italienne dans son réalisme, dans sa volonté de fermer le jeu quand elle gagne, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Et les joueurs eux-mêmes, aujourd'hui, sont issus de ce monde-là. Avec, on pourrait faire une histoire des possibles, parce qu'après 68, si on faisait l'histoire des possibles, il y avait le mouvement Football Progrès qui avait voulu un autre style de jeu, une autre façon de recruter, une autre façon d'imaginer, qui était post-68-art, pourrait-on dire, dont est issu lointainement Gourcuff aujourd'hui par exemple, ce mouvement Football Progrès aurait pu devenir un avenir pour l'équipe de France, il ne l'a pas été par exemple, c'était quelque chose de plus amateur, de plus pour le jeu et non pas pour le résultat, enfin quelque chose de plus 68 ans. Mais le Football Progrès, le mouvement Football Progrès est lui-même issu d'un mouvement plus long qui est incarné par François Thébault avec le miroir du football et qui veut un autre football justement, un football où on fait confiance aux footballeurs. Voilà, le football au footballeur, c'est un des slogans que l'on peut lire dans votre thèse, en l'occurrence, François d'Arrocha. Donc on espère pouvoir la lire d'ici un ou deux ans. Les joueurs de l'équipe de France de football, construction d'une élite sportive 1904-2012. Merci d'être venu en ouverture de cette semaine sur l'histoire du football dans la Fabrique de l'Histoire. Merci Emmanuel Laurentin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Ludovic Auger était avec nous à la technique et on ne remercie pas Thomas Duterre pour le choix musical de cette émission, effectivement, où on a eu quand même pas mal de nanars radiophoniques avec toutes ces chansons autour de l'équipe de France. La dernière, évidemment, Magic System, c'était Magic in the Air. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission avec ou sans musique, elle est sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également la télécharger et vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous vous parlons du football féminin.